Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. On va parler du précamp des Gaillards de Jonquière. Ça se déroulait en fin de semaine. Gaillards de Jonquière football. On en parle avec François Laberge. Salut François. Salut Danny. François, tu l'as fait une semaine après les Cougars de Chicoutimi. Es-tu content de ce que tu as vu? Oui, on est très content. Écoute, nous, on le fait toujours une semaine plus tard maintenant parce que la première fin de semaine de mai, on en profite pour faire une journée de deux pratiques le samedi. Puis on décale notre camp pour comme gagner deux pratiques à l'extérieur étant donné qu'on n'a pas encore les infrastructures au niveau régional d'avoir un terrain synthétique complet à l'intérieur. Mais oui, on est très satisfait. On a bien aimé ce qu'on a vu des jeunes. On a beaucoup vu aussi la progression. Tu sais, les jeunes, on les voit pour la première fois en pratique au mois de février. Puis déjà de février à mai, il y a eu une solide progression pour plusieurs d'entre eux. Fait que ça nous amène à croire qu'on a eu vraiment un bel hiver, puis on a eu surtout une belle progression de nos gars. OK. Dis-moi, ça sert aussi, puisque vous faites un programme d'entraînement hivernal, ça sert à ça, hein? Oui, exactement. Les gars sont en entraînement durant l'hiver. On travaille, nous, avec CrossFit Jonquière, puis tout ça. Donc, oui, les gars travaillent fort durant l'hiver, puis oui, on voit que les gars ont steppé up un peu au niveau de la préparation physique. Quoique là, ils commencent à courir plus. Fait que les tests de course devraient être encore meilleurs au mois d'août là, si l'entraînement continue de bien aller dans les prochaines. C'est-tu un peu le même programme que j'ai fait à Chicoutimi? Qu'est-ce que vous faites comme fin de semaine? Ça ressemble un petit peu, nous, probablement. Là, je peux pas te dire exactement ce que Nick fait à Chicoutimi, mais nous, le vendredi, on accueille les jeunes, on fait des longs meetings le vendredi, parce que justement, on s'est servi des vidéos du samedi d'avant, donc on a fait des meetings vidéo pour le vendredi soir. Ensuite de ça, ça a été les tests physiques, donc on a 5 tests physiques que nous, on fait à chaque fois, puis on peut comparer nos vétérans avec leurs résultats, puis voir fêter les bases pour les recrues, ceux-là qui arrivent à leur début avec les Gaillards. Puis après ça, on a fait un peu de timing, là, un petit 20 minutes de timing pour terminer la soirée, parce qu'on a terminé à 22h vendredi. Ensuite de ça, samedi, c'est tout pratique, donc deux pratiques de 2 heures au terrain, une en avant-midi. On prend une petite pause avec Gatorade, bartendre, jus de fruits, puis des fruits aussi. Donc, puis on recommence une autre pratique de 2 heures. Ensuite de ça, les gars vont à la piscine. Ensuite de ça, on prépare le vidéo tranquillement, les coachs, on a un souper, et après le souper, on refait du vidéo samedi soir. Puis le dimanche, c'est un match simulé. Là, c'est du 12 contre 12, l'offensive contre la défense. OK. Donc, ça te permet de voir un peu, ça donne une bonne idée quel genre d'équipe que tu vas avoir cette année? Oui, ça donne une bonne idée. C'est sûr qu'il manque les joueurs français qui vont arriver en août, mais ouais. Déjà avec la quarantaine de joueurs qui étaient présents, on peut voir que de quoi on va ressembler un petit peu, puis comment on va être capable de jouer. Il reste juste encore maintenant les jeunes secondaires qui terminent leur secondaire, donc il n'y a pas d'échec scolaire à ce niveau-là, plus les gars au cégep, mais en général, on pense pas avoir de mauvaises surprises. OK. Quel genre d'équipe vous allez avoir? Est-ce que vous avez une équipe encore pour aller au Bol d'Or? Écoute, pour le Bol d'Or, il y a un peu tôt pour se prononcer, mais ouais. Je pense qu'on va avoir une très bonne équipe. Nous, on va viser encore d'être dans le haut du classement. Le but, ça va être de progresser toute la saison pour arriver en série puis jouer notre meilleur football. Puis c'est sûr qu'on va viser les séries. Puis là, dès le mois d'août, je vais être capable de dire si je vise le top 2, mais je pense que en place, on va être capable de se mettre la pression pour essayer de viser le top 2, donc commencer le premier match à domicile là, au niveau des séries éliminatoires. OK. Dis-moi, y a-t-il beaucoup de vétérans qui reviennent cette année? Oui, on a 29 vétérans, là. Donc oui, on a quand même un groupe avec des bons vétérans, des vétérans solides, des gars qui ont fait l'équipe étoile. Donc on en a quand même plusieurs qui sont de retour. Fait que oui, on compte sur un bon noyau de vétérans. Puis il y a un excellent QV de recrues aussi. Là. Donc les deux mélangés ensemble, je pense que ça peut nous amener à croire qu'on va avoir encore du succès en 2019. OK. Nos équipes, nos joueurs de Dolbeau-Mistassini. Comment t'es trouvé en fin de semaine? Ah, ça a bien été. William Gagnon, une super belle progression. William va être à sa troisième de 4 saisons, étant donné qu'il est transféré en technique. William, je pense que cette année, c'est son année pour sortir de de sa coquille, si on veut, là. Ouais. Son frère est parti, il y a un spot qui est ouvert là. William a eu un très bon camp d'entraînement, il est bon en couverture homme à homme. Énormément améliorer ça, donc doit continuer à travailler fort cet été, mais peut espérer avoir une grosse saison. Marc-Antoine Robert, ben écoute, toutes les universités capotent quand ils voient ce gars-là. C'est indéniable. Là. Mathieu Bertrand du Rouge et Or n'a que de bons mots pour Marc-Antoine Robert. L'Université Concordia ont découvert Marc-Antoine Robert en fait semaine passée, puis les gars, il y avait la langue à terre là. Okay. C'est un joueur qui fait saliver, il va être extrêmement dominant. Ça va être seulement sa deuxième année, mais il n'y a pas grand joueur qui va être capable de jouer avec lui cette année. Sais-tu, c'est pas la même position, évidemment. Il y en a un qui est sur la ligne, puis un qui est lié défensif. Mais comparaison par comparaison, là, sais-tu un aussi beau prospect que Philippe Lavoie? Ils sont très différents, mais ils peuvent se ressembler à certains points. Moi, je pense que, étant donné que c'est un joueur de ligne, c'est sûr que Phil, ce qui était particulier, c'est que des secondaires. Un joueur un skill player qu'on appelle, donc un joueur avec des positions où tu as besoin d'athlétisme, tout ça. Régional qui se fait recruter par les top universités, ça c'est très rare. Okay. Au niveau des joueurs de ligue, on en a plus souvent qui sont pros parce que quand tu as un gabarit, normalement t'attires déjà l'attention, puis après ça, ben c'est de voir comment tu bouges et tout. Puis Marc-Antoine, ce qui est particulier avec lui, c'est que les universités le voient autant sa ligne défensive que sa ligne offensive. Dans le centre de la ligne offensive ou sur la ligne défensive, dans le centre comme defensive tackle, le gars, il est capable de jouer à ces deux positions-là et d'être une étoile au niveau collégial. Donc ça pour les universités, ça le rend extrêmement attrayant parce qu'il est très très polyvalent au niveau d'une ligne. Il peut jouer autant à l'attaque qu'à la défensive. Ça va être à eux un peu de le spécialiser rendu là. Okay. Mais c'est ça pour nous. Écoute, c'est un joueur de grand talent. Là. Il est très dominant. C'est un bon joueur de football. Là. OK. Dis-moi, tu me dis avant de rentrer en onde également que Frédéric Clément, que votre carrière va être encore plus dominant cette année. Ça part bien l'équipe. Oui, Fred, ça va être sa deuxième année. Donc là, ça va paraître déjà... était le leader à l'attaque, là. Il mène son attaque de main de maître, maîtrise bien le cahier de jeu. On doit encore travailler un peu ses lectures sur le read option, mais ça, c'est parfaitement normal. On a des defensive lines qui jouent vraiment bien aussi, fait que ça l'amène à travailler plus fort. Mais oui, Frédéric Clemens va être extrêmement dominant en 2019. Là. Il a un très bon camp, bon hiver. C'est lui, c'est un double champion provincial. Il a gagné le bol d'or au football. Il a recommencé à jouer au volleyball. Et notre équipe volleyball est championne provinciale aussi. Fait que tu vois, le gars, c'est un winner. OK, effectivement. François, gros merci. On va s'en parler dès que l'automne arrive pour une chronique régulière avec soit tes joueurs et également toi. Ouais, ça va toujours me faire plaisir, Danny. François Laberge, l'instructeur des Gaillards de Jonquière.